There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. Comme les lueurs fragiles du soleil à l'automne, mon cœur se défile, défait de toi. Faut-il que je retienne les sons et les couleurs? Quand les larmes me viennent comme l'automne avant l'heure. Oh, que j'a need you to see that you are the reason. Comme les colères soudaines des nuages à l'automne, je déverse ma peine déçue de toi. Si l'on rêve des cieux non pas, je rendrai les âmes à tous nos combats. Faut t'aimer sans peur et sans regret. Serais-tu prêt? Faut-il que je retienne les sons et les couleurs? Quand les larmes me que je retienne les sons et les couleurs. Quand les larmes me viennent comme l'automne avant l'heure. Oh, que ça.